Vous êtes dans la zone 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue à l'édition complète des Palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 décembre 2013. Le Steph! Salut Matt! Hey, enchanté! On va passer 3 heures ensemble, comme à toutes les semaines, dans l'édition complète. Pourquoi complète? Ben, Colin, parce que c'est pas en morceaux, hein? Ouais, c'est ça! T'sais, c'est un seul plat avec tout dedans. C'est pour les gens qui ont de l'appétit, tu sais. Genre. Ok, oui. C'est comme un buffet de chinois. Ok, ouais. Mais qui donne pas mal au ventre pendant 3-4 jours après. Ouais, c'est ça, on va essayer de pas vous faire chier. Ben, quand même. Donc, pendant ces 3 heures-là, on va avoir plein de segments hétéroclites, dont Palmarès in Peace, un instant classique, C'était fou et ailleurs dans les palmarès. Que du bon stock. Maison. On va avoir, on va savoir d'ici la fin de l'émission, évidemment, si les numéros sont toujours du côté anglophone, Jobin et Soweto. Et du côté francophone, Mimi Vanderglo avec Plus je crie. On sera ça dans 3 heures, plus ou moins. Mais on va débuter avec la première heure qui porte son propre nom très, très cocasse pour certains. J'aime ça, entendre d'autres animateurs dire ce nom-là. C'est les Palmarès, c'est fou, édition New Shit. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou, édition New Shit pour la semaine du 2 au 8 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bonjour, Stéphanie Paradis. Bonjour, Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans la portion New Shit, on va avoir 6 nouvelles entrées. C'est quand même une bonne moyenne, ça, 6. Ouais, c'est au moins une moyenne de 6. Une moyenne environ de 6. Donc, on va entendre d'ici la fin de cette portion Claude Pelgag, Outak, Royal Canoe, Carpenter et Sebastian Granger. Mais on commence en 20e place francophone avec La couleur des jours d'Audrey Emery. Ça, c'est la chanson qui sonne un petit peu genre porn. Vous allez entendre quelques blagues là-dessus après. Ah, c'est celle-là. Oh, Palmarès, c'est fou. Édition New Shit. entrée. Donc, ben, too much à les 80, ça. C'est bon. Dans le bon sens. Sebastian Grainger est Going With You sur l'album Yours to Discover, nouvelle entrée en 20e place anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu La couleur des jours d'Audrey Emery. Oui, ça, c'était la chanson Super Porn. Oui, c'est ça. Non, c'était comme deux chansons assez stéréotypées, si on veut. Oui. Donc, pornographie et années 80. Et qu'est-ce qu'il y a en commun? Une moustache. Évidemment. Oui, bien entendu. Juste après le Movember, tout le monde se la coupe, sauf dans les chansons des Pommeresses. Tout le monde se la coupe, comme le disait Caféine, je me la suis coupée pour ne plus te faire pleurer, ma chérie. Ah, tu vois, je pense que c'est une blague de suicide encore. Non, c'est une blague de moustache. Ah, d'accord. Pour ce numéro 19, maintenant, du côté anglophone, on va frapper des vaches avec Cow Puncher et la pièce Bridesmaids. Et du côté francophone, en 19e place, ça va être Ligne ouverte de O-Tech. Attention, je vais composer. Ça marche plus, cette affaire. Ça marche encore. Ah! J'étais plus sûr. Je me demandais si ça marche encore. Ça marche. Bravo. La ligne ouverte. Au palais, c'est fou! Comme un fou, une fois Nouvelle entrée. Formation canadienne Cowpuncher et Bridesmaids, nouvelle entrée en 19e place anglophone. Et du côté francophone, c'était Outek avec Ligne ouverte. Ça, c'est un retour pour Outek. Tu te rappelles de la pièce FM qui était dans le palmarès au début de l'année ou cet été, je crois. Vaguement. C'est peut-être avant que ça arrive. Mais en fait, je sais qu'il y a déjà eu une pièce de Outek, mais je ne crois pas que c'était FM. Mais je me souviens pas c'était quoi. Je me trompe d'un temps parce que l'automne passé était déjà ici. FM, c'est plus récent que ça. Donc, ouais, je sais plus. Mais c'était bien la pièce FM. Wow. Écoute, j'ai peut-être un blanc pour le titre de la chanson, mais en fait, je suis pas vraiment bonne dans la vie pour associer titre de chanson, artiste et la musique qui va avec. Et moi, je suis pas bon pour le temps, comme tu peux voir. Donc voilà, on peut pas vous donner plus d'informations là-dessus. C'est un peu n'importe quoi. Bref, il nous reste encore de nouvelles entrées à entendre dans notre beau petit 6 nouvelles pièces. Mais oui, bien oui. Du côté anglophone, c'est Royal Canoe, pièce numéro 2 pour cet album Today We're Believers. Elle s'appelle celle-ci A Birthday. Alors que du côté francophone, c'est aussi la deuxième pièce de cet album-là, La chimie des monstres de Clopelgag, et c'est la pièce c'est Rayon X. Si on a des références à faire, ben. On va peut-être aller faire nos recherches avant de vous les dire. Ouais, c'est ça. Ça fait briller mes cristaux dans ta chambre noire. J'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine. Et ton prix Nobel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Le pompier qui dort.

think you're gonna do it? I said, how do you think you're gonna do it? When you reach for the top, you can't take it easy. Gonna risk everything you've got. It's a long road. Be sure to always watch your back. It's a long road. Such a long road to the top of the hill. It's a long road. How can you think that there ain't nothing to it? I said, how can you think that there ain't nothing to it? Yeah, the higher you get, the harder it gets. It's a long road, you're there, then you're gone. It happens on and on and on and on. It's a long road, such a long road to the top of the hill. It's a long road to the top of the hill. Then you're gone. It happens on and on and on, on and on. Monde d'une place en 15e position anglophone. Alors que du côté francophone, tout juste avant, on a entendu ton sac de natation de Navet Confit. Ben oui, on a nagé dans cette chanson-là qui finit drôle, hein? Quand même. C'est des genres de bruits de... En fait, pas drôle, désagréable. C'est ça, ouais. Ben tu sais, pour moi, drôle, ça veut dire désagréable parce que la plupart des blagues que je fais sont désagréables. T'sais. Fait que j'associe les deux ensemble. T'sais. Ah, OK. C'est pour ça. Du côté des 14e places en anglophone, il y aura Braids avec Incan qui, elle, descend de la 6e place, donc une méchante groupe. Alors, moi, de mon côté, du côté francophone, ça monte de 2 et c'est Astéroïde de Janice Plus. Comme si chacun des côtés nous appartenait. T'sais. Dans mon équipe à moi, ça a vraiment descendu. Ben oui, tellement. Moi, je suis dans le team Franco. Franco Nuovo, là. Ouais, c'est ça, oui. Ou James Franco. Ah, okay. Hey, justement, j'ai écouté Oz en fin de semaine. Le film de Alice au Pays des Merveilles style, genre, c'est ça? Non, non, c'est Machine d'Oz, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ouh, hein, okay. je connais ça. Ben, c'est vraiment bon. Hein? Je dis ça de même, là, c'est vraiment bon. Parce que moi, je m'attendais à, comme, tu sais, un film plat. Ouais. Mais c'était vraiment excellent. Moi, j'ai écouté Franco Nuovo dans son émission à Radio-Canada, puis c'était plate en maudit. Non, c'était long. je connais pas tant que ça. Bon, tu vois, mon côté francophone est meilleur. Tu gagnes? Ça n'a même pas rapport. Pas en tout. En fait, t'as choisi quelqu'un d'anglophone, j'ai choisi quelqu'un de francophone, fait que mix and match tag team, hein. C'est rendu plat. Alors, 14e position francophone, tu l'as dit, Janice Plus, Astéroïde, right now. Ça, c'est fou. Je dirais même maintenant en français. Oh! Hein? Moi, je parle en anglais tout le long. I speak in English, I'm the best. J'ai rien compris. New non, shit. C'est j'accélère bien sûr, vite laisse-moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. Un rythme effréné, j'accélère bien sûr, vite laisse-moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. C'était en rythme en province. L'AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou.

Braids et In Kind descendent de la 6e place à la 14e anglophone. Alors que du côté francophone, c'était Astéroïde de Janis ou Janis Plus, on le sait plus. Ouais, on sait plus trop. On l'a demandé puis on est toujours pas sûr, mais Janis, mettons. Et on saute par-dessus plein de choses parce que ça va être la fin de cette portion de l'émission. Du côté anglophone, on saute par-dessus les 13 et 12. En 13e, c'est Nico Case, c'est stable avec Night Still Comes. Et en 12e, ça descend de 10, Honolulu et Keepsake. Alors que du côté francophone, on va sauter par-dessus les 11, 12 et 13e places. Donc en 13e, c'est Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Nevsky. En 12e, Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. Et on saute aussi par-dessus la 11e qui est Terrifié de Mange l'ours mange. On va se quitter avec une seule pièce, c'est la 11e position anglophone, Luscious, qui était nouvelle entrée la semaine passée, Turn It Around sur leur album Wild Woman. On se retrouve soit dans quelques instants pour les gens du jeudi et du dimanche, sinon c'est demain 17h pour la version quotidienne. À plus. Donc à bientôt. Je dis plus, à plus, peut-être pour ça. Oh, ben oui. Le dire à plus tard. Plus. C'est fou. 89.1. Bye. bienvenue à l'édition Top 10 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 décembre 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouh, et portion Top 10 qui veut dire qu'on écoute le top, je dirais, 10 plus ou moins environ. Ah oui, les proches. OK. J'arrondis à 10 environ. En fait, c'est faux. On n'écoute pas le top 10. On écoute le top 10 jusqu'à 6. Mais comment veux-tu dire ça dans un titre d'émission, tu sais? Top 10 à 6, c'est bizarre. Non, le top 6, c'est une... 6. La deuxième moitié du top 10. Ah, c'est clair. Ou le milieu du top 20. Les Palmarès C'est fou édition milieu. The middle one, c'est comme la table du milieu, voilà. Donc, pour ce numéro 10, anglophone, à chaque semaine, j'oublie de le dire, mais plus tard dans cette portion de l'émission, on va voir les instants classiques d'assemblage requis. Bon. OK, oui. C'est vrai. Dixième place anglophone, c'est Radical Face, c'est Holy Branches qui monte de 7 places. Alors que du côté francophone, ça monte de 9, c'est Morning Man des frères Goyette. C'est pas mal, c'est fou édition, The Middle One. Oui. Puis là, ben, j'ai pas placé mon CD. Ah, ben écoute, on pourrait parler. Hey, okay. Les grille-pains, là, ouais. Cantés par en avant, là, ouais, tu rentres les tranches comme par en avant, c'est bon, maudit. Ils sont tellement beaux. Ouais, je n'ai vu un beau, ouais. Là, chez Canadian Tire. Sais-tu pourquoi j'ai pas placé le CD? Pneu canadien, non. Parce que je l'ai pas dans mon rack. C'est ça. Ah. On va écouter dans l'eau en premier, ça te dérange-tu? Ben non, ça me dérange pas. On va avec Radical Face, là, et puis Holy Branches. Tant qu'à parler de toaster. Tant que, ouais, mais pour vrai, il penche par en avant. Puis moi, tout ce qui est penché par en avant, tu sais que. Non, mais c'est vraiment beau, c'est pratique. Tu mets ça sur le comptoir, puis il y a des armoires juste en haut. T'as pas besoin de te faire à le tirer. C'est ce que je dis à chaque fois. Tu l'envoies d'enfant, toi. D'enfant, t'envoies donc, puis les portes sont pas dans les jambes, pas en tout. Puis là, tu fais comme fouing, fouing, fouing, fouing, fouing. Directement en face. Radical Face. C'est pas mal assez fou. When you were young, you'd bite your tongue. Calm, always did what you were told. Never in your mouth, live life on tiptoes. Only felt peace if by yourself, where mistakes don't count. There's a hole in your chest from the time that you were born. One that don't get filled, cause you've always known. But everybody's bones are just holy branches, cast from trees to combatants in the world. In time we find some shelter, spill all the leaves and then sleep in the earth. In the air, we belong, cause the earth don't give a damn. cheval de Troie. Et je fixe le ciel sur mon oreiller de bois. Puis je me lève à l'aube, je vole les ondes, ma radio pirate au sous-sol. Place l'aiguille, fais chanter le vinyle. Partant couvert, on m'entend jusqu'en ville. J'ouvre mes micros. Je parle souvent à travers mes chapeaux. Ma grande gueule ouverte, je lève les couvertes. Franc parler, musique, country. Les mains t'apportent la fine pointe. Le bonheur est là, l'antenne est longue. Le morning man a vu. Font jaser les jaloux. C'est dur à croire qu'on m'écoute jusqu'au bout. Jamais fait tirage, moi je laisse la place aux monde qui ont jamais eu le micro. Une voix d'or sur fond de cafetière. Des graines de toast dans des journaux ouverts. Frappe un mur lorsqu'on jase de licence. Je mettrai pas une scène pour dire ce que je pense. Sur les ondes AM, c'est moi qui mène le flibustier des ondes hertziennes. L'émetteur porte la fine pointe. Le bonheur est là, l'antenne est longue. Le morning man a vu. Sur le Vermillon, c'est plein soleil aujourd'hui. 12 degrés à l'extérieur, moins de rosée à 4. Aux éphémérides aujourd'hui, il y a 15 ans, Colette Pichet posait son avion sur les Açores. On s'en rappelle. On poursuit en chanson avec Gilles Vignon. Les frères Goyette et Morning Man, le monde de 9 places, c'était le nouveau d'entrée la semaine passée, maintenant c'est en 10e place. Et tout juste avant, du côté anglophone, je suis pas habitué de dire ça, c'était Holy Branches de Radical Face. On inverse tout. C'est fou, palmarès-lé. Mais là, j'aime... Ouais. Moi, j'aime pas ça, on dirait que j'ai changé de team. Je disais tantôt justement que moi c'était team franco, toi team anglo, puis là tout d'un coup, non. Non, on a tout brisé ça, là. C'est les résolutions de la nouvelle année là, qui s'en viennent. On va s'inverser les rôles. Tu vas faire la console l'année prochaine, je te l'annonce. Non, on n'est pas supposé tenir ça des résolutions. C'est supposé être fake. Parfait. Du côté des huitièmes en anglophone, c'est l'excellente pièce Hunting par The Darcys qui descend d'une place. Et du côté francophone, c'est Panache de Pendentif. Ça a monté de 1. Ouais. Moi, j'étais comme pas sûr. Non. Ça a monté d'un. C'est pareil. Ouais, puis c'est Panache. Ouais. Pendentif. Panache, pas Panache, le groupe de la pièce Pendentif. Non, c'est le contraire. Ouais. On inverse tout, mais là, on va pas quand même optionner. Hein? C'est déjà assez mêlant de même. Oui, Colin, tu dis. C'est pas mal assez fou édition top 10. Middle one. Mais. Puis l'autre, c'est quoi? C'est bottom one puis top one? Ouais, c'est ça. Le top one. C'est le top 1. Ouais. Top là! C'était un top là. Oublier l'atmosphère. Il avait dû se passer quelque chose. Il avait dû se passer quelque chose. Oh yeah. Passer les fenêtres, passer le nouveau monde. Marcher dans les rues, la et je danse.

eux, joke de linguiste. Prenez-le. Fait c'est comme à chaque fois où tu vas dire ça m'a l'air que, moi je te réponds joke dedans. Et c'est facile, mais on aime ça, c'est que des récurrentes, des blagues récurrentes. Exactement, on se fait plaisir ça. Ça nettoie très bien une table, une blague récurrente. Je fais souvent, c'est la chaque fois que je parle de récurrent. Pour ce numéro 8 du côté anglophone dans les palmarès, c'est fou, c'est The Cat Empire avec Wild Animals qui monte d'une place. Alors, ça monte de 6 du côté francophone. C'est Je pars au combat de Guillaume Arsenault. Arsenault? Arsenault. C'est Guillaume Arsenault. J'ai mis son petit rire à JP qui voulait que je garde. J'ai mis dans les montages. Fait que... Ben oui. Pour le garder, comme souvenir, m'écouter à perpétuité, récurrent, ça va être propre. CFOU 89.1. Just like The Calipari Wild Animals. Ça monte d'une place en anglophone à 8e. Et c'est vraiment, vraiment mon genre de musique, ça. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Je pars au combat de Guillaume Arsenault. On a reçu un CD assez fou aujourd'hui, en fait, qui est une compilation de chansons de pub de lait. Ah, ben oui. T'sais? Mais là, de lait avec un D, on s'entend. Avec un T. J'ai vraiment fait une erreur, là. Je voulais dire c'était pas avec un D. C'est genre toute la musique de Barry Manilow et d'autres artistes vraiment laid. Excuse-moi pour Barry, là. En tout cas, moi, je disais, toi, t'as suggéré qu'on devrait jouer une émission spéciale avec toutes ces chansons-là dedans, tu sais. Oui, faire un spécial pub de lait. Et moi, j'allais appeler ça album classique. C'est comme album classique avec du lait, tu sais. C'est classique. Classique, en réalité. C'est sûr, ça va être un classique. Ça va être vraiment drôle. Ouais. Et on est revenu sur aussi, tu sais, l'intolérance envers quelque chose, ça. Mais oui. Tu sais, comme, mettons, t'aimes pas, je sais pas, une personne, mettons, t'sais, t'as pas de personnade, tu sais, ou du lactaid, tu sais. Ouais, c'est ça. Si seulement. Fait admettons que tu me tapes ses nerfs, ça me prendrait du plantaid. Plantaid, tu vois, ça marche. Toi, c'est Stéphanie Paradis, donc. Paradaid. Voilà. C'est un peu bizarre, hein? C'est un peu bizarre. En tout cas. Position numéro 7. C'est rendu à ce point-là du palmarès, j'ai de la misère à comprendre mes lignes. Baja Boulante, du côté anglophone, qui est stable avec Tall Shadow. Alors que du côté francophone, on va l'entendre une toune que j'adore, c'est Léa dans les magazines de Panache. Ouais, avec Baja Boulante, au moins, ça ferait du Baja Boulade. Là, ça marcherait. Oui. Baja Boulade. Oui. Mettons, ça aurait du sens. Ça. Ou sinon, Panachade. Panachade, on dirait un nouveau jus, un shake. Mais ça se peut pas, parce que Panache, on adore ça. C'est vrai. C'est bon. Oh. J'ai hâte de l'entendre. Mais je te fournis ça là, dans la seconde, là, mettons, genre maintenant. T'sais. Mon Dieu, t'es tellement efficace. Vraiment? Aujourd'hui, là, je bats des records d'efficacité. Pas du tout de gaffe par-dessus gaffe aujourd'hui. Pas du tout. Ouais. Je suis mon portable à l'eau, Léa. C'est décidé. Raja Bolat et Tonton Shadow Stab en 7e anglophone. Et du côté francophone, ça descend de deux, c'était Léa dans les magazines de Panache. Ce qui nous amène à C'était fou. Et cette semaine, on recule au 29 novembre 2002. Ouh, c'est loin. C'est où, ça? J'ai trouvé dans mon bol, était tout seul, était perdu. J'étais couché là dans le sable, la matinée des belles et bronzées. Et puis là, dans mon bol, je l'ai vu et me suis dit, ah, qu'il est beau, qu'il est beau. Le carapace, elle a des pattes qui s'étirent et de grands yeux d'or, demandez-moi. Et les mecs que j'en ai fait, qu'est-ce qu'on a fait? Je l'ai pris, ramené chez moi, puis là je l'ai montré, puis j'ai été enchanté, enchanté. Je l'ai veston, j'ai appris des tours des fesses, le beau, faisait le beau, sur ses feuilles, c'est caille, caille, caille. Camisole peinturée en jaune et en bleu, c'était le plus beau des crabeux. Tellement de ciel de dame, moi, il le gardait dans ma poche. Je voulais pas le montrer, mais tu sais, c'est quand je recevais des invités, c'est de plus fort, je le sortais et criais enchanté! Des os bras, cadabras, tête de chat et corps de mer, un coup de pute de pâte, plus de pain, mangeait des bœufs et cherchait milieu à que je l'ai saigné. À coup de mort, pouvais plus le garder pauvre, pu le mettre dans ma vie. Ma mercelienne grosse, peu peu peine, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré car je ne pouvais plus hurler. Enchanté, enchanté. more shots in the car, my lawn. Battle owns your dawn. Injustice in tone. Who got the diamonds? Who gonna find them? Who gonna find them? I wanna time them. Diamonds and guns, diamonds and guns. It's a wicked world that we live in. It's cruel. It's unforgiven. It's a wicked world that we live in. It's cruel. It's unforgiven. That? It's Mama San, looking for a bitch who took the money and run. Now the daylight's gone, and there's no more fun. And who's that fucking bitch who stole all the hair on? Hair on, here's all gone. You smoke it all up, now you got none. And now you look around, and there's not the plan. This is not what you had in mind. I shine in heaven, now I try. No one lives forever, in fact, we all die. From those who bust shots, to those who stuff cops, to those who serve rocks on all the high blocks. Every last soul must pay the last toll. In the dice game of life, who gets the last roll? Is it the one with the suit, the one with the sag, the one who hides behind his fucking gun and his badge? Negative outlook? Well, that's how I'm living. And like he said, it's the wicked world we live in. It's the wicked world we live in. Out, flipping out, hearts is what I'm ripping out. I'm slipping out, I'm dipping out. Killing's what I'm living out. Pick 'em, let me pick 'em out. Spinning, let me whip it out. Gap to your face with the fucking bullet sticking out. Missing out, disavow. Blood's what you're pissing out. 84, I'm crazy horse. Shooting up, I'm illin' out. Ripping out, I'm tripping out. Dipping now, I'm clipping out. Any pile of out my building, ouch, where they're clipping out. Crimming out, I'm hitting out. In LA, no getting out. 213, pack a beat, loud, wicked sound. Listen out, I'm sending out a six pack of. It's a wicked world that we live in. It's cruel. It's unforgiven. It's a wicked world that we live in. It's cruel. It's unforgiven. C'est le bloc C'était fou pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2002. On vient de terminer avec une pièce bonus, Transplants avec Diamonds and Guns sur l'album Transplants. Chanson que vous connaissez peut-être pour les pubs de Garnier Fructis à la télé. Avant ça, le numéro 1 anglophone, Tribe of Judah avec Left 4 Dead sur l'album Exit Elvis. Et en première francophone, c'était les Ghouls et Crab, les Ghouls que vous connaissez de son chanteur Kikuna qui fait maintenant carrière solo. Ouais, on aime tous les deux vraiment pas ça. L'album s'appelait aussi Les Ghouls et donc c'était la semaine du 29 novembre 2002. On revient dans le présent pour se quitter pour cette portion top 10 des palmarès. C'est fou, c'est bien malheureux. On va sauter par-dessus les sixièmes de chaque côté. En fait, en anglophone, ce serait Fur Trade et Voyager. Alors que ce côté francophone, on saute par-dessus Manège de Mauve. Mais non, on n'entend pas ça. On se retrouve pour la portion top 5 des palmarès C'est fou, soit dans quelques instants pour les gens du jeudi et du dimanche. Sinon, c'est demain pour l'édition quotidienne qui est du lundi au mercredi à 17h. Mais peu importe, restez là. Ben ok. Il y a tout plein d'autres bonnes choses sur les ondes de C'est fou. Tellement en bas. Ouais, tellement. C'est pas juste parce que c'était fou, c'est que ça reste pas fou. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. À la prochaine, Steph. À la prochaine, Mathieu. C'est fou. 80. Bienvenue dans la portion top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 2 au 8 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Je cherche mes dates. Oh, mes dates! Tes dates. Oui. Dans le garde-manger ou dans ton calendrier. Ah! T'as-tu un calendrier de l'Avent, toi, cette année? Ben non, pas encore, mais moi, je conseillerais un calendrier. Pas encore. Ben, je vais m'en acheter deux ou trois pour m'en manger d'un coup. un calendrier de dates pour l'Avent. À la place, tu mangerais les dates, ça te rendrait régulier dans ton processus digestif. Ouais, est-ce que les dates, ça fait. Je pense que oui, non? Du jus de prune? Non, c'est du jus de prune, c'est ça. Je sais pas, moi, je pense que je peux manger n'importe quoi, puis moi, j'ai pas de cycle bizarre. C'est vraiment le fun à savoir, je trouve ça. Non, mais toi, ça te fait chier les dates. Merci. On parle pas assez de nos défécations. Non? À la radio. Non? Non. Ou encore beaucoup trop maintenant. Du côté anglophone, la cinquième position est occupée par Sid the Whale, parlant d'animaux qui font des besoins sûrement très énormes. C'est Mother stable en cinquième place. Oui, on continue toujours dans le même sujet avec l'ancien numéro 1 déjà, c'est plus j'écris de Mimi Mandelglo. C'est vraiment ça le bruit que tu fais quand t'es constipé. Pas du tout. Parfois j'écoute la nuit qui râle. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé par le temps qui passe. La fatigue gravée sur ma peau. La vie adulte est une thermopompe qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je disparais, plus je crie, plus je disparais, toujours et à jamais, jusqu'à ne plus sentir ta peau. Du bout des doigts jusqu'au tréfonds de mes os, la vie adulte est une thermopompe qui me donne froid. Plus je crie, plus je disparais, plus je crie, plus je disparais, plus je crie, plus je disparais, toujours et à jamais. Plus je crie, plus je disparais, plus je crie, plus je disparais, plus je crie, plus je disparais, toujours et à jamais. I'm opportunity that I need. Cover. I hope forever. C'est The Whale et Mother, stable en cinquième anglophone. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1, Plus j'écris, de Mimi Van Der Glo. Mais quel excellent bloc! Pas pire, hein? Je croirais. Hey Mathieu, veux-tu me faire plaisir? Certainement, Stéphanie. Oui. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, quand tu vas dans les restaurants asiatiques, quelle soupe tu préfères manger? La soupe... Quelque chose comme ça, mais c'est vraiment la meilleure. Je sais pas ce qu'elle a, je sais pas c'est comment qu'on prononce ça. Je la pointe sur le menu, mais c'est ça, puis c'est bon. Hein? Je vois tellement pas de quoi tu parles. Je vais aller sur un site quelconque de restaurant asiatique. C'est ça? Non, ah, je l'ai trouvé. C'est quoi? C'est P-H-N-O-M espace P-E-N-H. Hein? C'est la capitale du Cambodge. Je suis dans la moitié sud du pays. Évidemment, on parle évidemment du pays du Cambodge. C'est aussi une sorte de soupe. Ben écoute, j'ai jamais mangé ça. Donc, allons au Cambodgiana et mangeons une soupe. Oui. Hey, ça me tente pour vrai, on y va-tu? OK. Right now. Fait qu'on vous part 2-3 tunes, puis on revient tantôt. On met les 2-3 derniers, c'était fou, là, des dernières semaines, qui sont beaucoup trop longs pour rien, puis on s'en va manger, là. Position numéro 4, du côté anglophone, c'est Dr. Dog et Broken Heart qui descend d'une place. Alors que du côté francophone, ça descend de 2, c'est Le Vent Vire de David Marin. Ça monte, pardon, descend. Ça descend, pardon, monte. J'aime ça quand je me trompe de bord. C'est comme babord, tribord. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui tombe à l'eau. Dis-je. Tout ce qui tombe à l'automne. Je connais pas le reste des paroles. Comme un matin de rentrée. Un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui fait faux bon. Me donne envie de plonger. Pour voir si dans le fond. Y'a pas un escabeau pour me remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. Jusque dans le piano. Les trucs que tu fredonnes en oubliant les mots. Tout ce pousse qui tombe à l'automne. 4. Life for me's just been a walk in the park. It doesn't really matter, it never really mattered. I never really had a broken heart, yeah. Such a shock to me. But looks to me like people going through the motion. And when it's over, yeah, the hearts are broken. I find on the shelf. She really loved me, but I couldn't see it though. He really loved me, but I don't believe in it. Dr. Dog, Broken Heart, descend d'une place en quatrième anglo. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu le vent vire de David Marin sur l'album Le Choix de l'Embarras. The Wind is Turning. David Marine. On dirait comme Maroon 5, David Marine. Mais dans beaucoup meilleur, bien meilleur, beaucoup mieux. Je parle mal, hein? Beaucoup meilleur, c'est comme vraiment laid comme expression. Ah, beaucoup meilleur. Ah, beaucoup meilleur, vraiment. Donc, on va aller aux troisième places. Tout à l'heure, on va faire ailleurs dans les palmarès, la petite section cool où on fait jouer une pièce soit dans le top 30 des albums, dans le top 5 musique du monde, rarement dans le top loud. Ça, je comprends tout. Mais avant ça, on est rendu en troisième place. En anglophone, c'est Jobin et l'ancien numéro 1, Soweto. Ouh, et ça monte de 14 du côté francophone. C'est Soleil Blanc de Philémon Simon. Eh, hey, hein? Ou Kimon pour les intimes. Kimon. Quand il y a un C au début de ton nom, là, quand c'est Simon, là, c'est un peu bizarre. Carole. Stéphanie avec un C à la place du S. Qui Stéphanie? C'est pas pire. Ouais, non? Non. Non? Oh. Non? J'ai des frissons de dégoût. Pas dégoût, là, le. Comme avec les trous dedans. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des palmarès, c'est fou, édition top 5. Édition dégoût. Oui, de tout pour tout dégoût. Bref, quelque chose de genre. Un autre slogan de marde de Mathieu Plante. Thank you. que penser, ils sont déjà. Je n'ai pas perdu, non, pas perdu mon temps avec toi. Malgré toi, je te caresse tout. Soweto de Jobin, position numéro 3 anglophone, ben c'est l'ancien numéro 1. Ah, oh, j'aime ça. Remonte que ça ait descendu. Non, okay. Ben remonte ça en haut. OK. Et ouais, du côté francophone, c'était l'ancien numéro 17, c'est Soleil Blanc de Philémon Simon. C'est la faute du nom de Jobin, tu sais, on a envie de Jobin, c'est chose bin, Jobin, you know, tu sais. Genre. Ah ben non, c'est pas le feeling que j'avais. Moi. Non, OK. Avant de passer au numéro 2, c'est On a créé un monstre et Mark Berube, ou Berube. C'est le moment d'ailleurs de l'épanouir. Est-ce que t'es prête à chanter, Stéphanie? Peut-on être prêt à ça? Pas vraiment. Et voici. Ailleurs dans les palmarès. Yo, yo, un. Oh, wow! C'est ailleurs dans les palmarès, la portion où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est fou. Hey, mais hein? Ouais. C'est concept quand même. Donc, les palmarès, c'est fou. Ben, c'est pas juste un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 lard et un top 5 musique du monde. Mais oui, on va commencer avec le top 30 des albums. On a deux nouvelles entrées en 20e place. C'est Sebastian Granger, ouais. Avec l'album Youth Discover. En 19e, c'est Cow Puncher, le frappeur de vaches. Avec Ghost Notes. Et ensuite, la troisième position appartient à Jobin et The New Religion Project. En deuxième, ça a monté de 17, c'est Mark Berube avec Lucian Dolls. Et finalement, en première place, ça monte de la 14e, c'est Imaginary Cities avec Fall of Romance. Ensuite, on passe au top 3 des disques canadiens. En troisième place, c'est Stable pour Set the Whale et Hawaii. Ensuite, en deuxième place, c'était à la 19 la semaine dernière, Mark Berube avec Russian Dolls. Et finalement, en première place, Imaginary Cities avec Fall of Romance. Dans le top 10, Loud. Une seule nouvelle entrée, mais c'est le numéro 1, donc on attend. On va faire le top 3 pour commencer. En troisième, c'est Motorhead et Aftershock. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Toxic Holocaust et Chemistry of Consciousness. Et en première, c'est la nouvelle entrée, EPK avec Retrospect. Dans le top 5 des musiques du monde, en cinquième place, nouvelle entrée, Bonbons Étoiles. La pièce de Nathalie Natiemb sur l'album Bonbons Étoiles. En quatrième, c'est une nouvelle entrée aussi, la track 3 de Maz sur l'album Chasse Galerie. En troisième, là, on va faire le top 5 au complet finalement. En troisième, ça descend de 1, Dynaco de Lala Niava. En deuxième, ça monte de 1, Fanga de Mustapha Kouyaté et Romain Malagnou. Et en première, c'est Stable, quatrième semaine de présence pour Anachronic Electro Orchestra featuring Federica et la pièce Lady Midriasis. Écoute, pour Bonbons Étoiles, je pense que ça vaudrait la peine de les play. Bonbons, ça s'écrit comme bonbon. Okay. Mais Étoiles, c'est quand même Z-E-T-W-A-L. C'est vrai, ça. C'est bon à préciser, parce qu'à l'oreille, on pourrait penser que ça parle d'étoiles. Oui, ça n'a aucun rapport, pourtant. Mais non. Que dirais-tu d'aller entendre cette pièce, Bonbons Étoiles? Pourquoi pas? On va voir si ça sonne aussi paillette. Elle nous a tellement titillé. Oui, ah, c'est clair, des bonbons. Voyons. Nathalie Natiemb dans le bloc ailleurs dans les palmarès. Des fois la vie coule en l'eau claire dans un grand roulement couleur ou un ciel miel vert. Quand des fois la vie coule doux amer ou un grand mariage sacré gravé dans un bois de fer. Reste coupé dans tout où s'entend la douleur vide ou d'eau ou flotte si de l'eau. Reste coupé tendu, poussant tant, matin, midi, à soir, à temps, passer le temps. Grosses étoiles, pour bien chavirer, une pièce d'argent sous sa tire, pour arriver de côté. Grosses étoiles, pour gagner, une pièce d'argent sous sa tire, pour arriver d'un pays secret. Quand des fois la vie coule en l'eau gris, dans un grand roulement la pluie, un ciel endormi. Quand des fois la vie perd en fièvre, farine son maloya, ou un dernier rêve. Reste clouté dans le clic, poussant tant, ankylosé, courbé, assassine aux pensées. Reste clouté dans du, poussant tant, dans un cabarolo, son frère Marco. Retiens ses toiles pour qu'elle chavirait, laisse l'argent sous sa tire, pour arriver de côté. Retiens ses toiles pour gagner ou rien, laisse l'argent sous sa tire, pour arriver d'un pays si près. Des fois la vie coule en eau noire, dans un grand jardin de fées noires, l'eau qui remplit l'espoir. Mais quand des fois la vie, la tête amarrée, dans un foulard aux Indiens, où on mène plus loin, reste poussé dans de vie, où s'entend la sève, le corps comme l'alambic, rempli de sel. Reste poussé dans de vie, où s'entend sans ancêtre Mozambique attend dans un lac au ciel. Papa, t'es vais pas faire son ciel, son fils, mamie, il a pas marié. Son fils, mamie, il est pas pareil. Pas, pas. Il a fait songer, ou à toute son moitié, puis ça t'est être de ce côté. De ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. Nathalie Natiembe et Bonbons Étoiles, qu'on vient d'entendre dans le bloc ailleurs, dans les palmarès. elle a de l'attitude, est dans le bois, et elle se fait juste aller les bras, tu sais, mais en avant, en arrière, ses côtés, tu sais, juste les bras. Ah. Comme si elle courait dans le vide, puis elle a de l'attitude. Ma prof d'anglais hein, au secondaire 3, elle dansait de même. Ah oui? Ouais. Une drôle de façon de danser. Elle dansait vraiment mal. Ben, ça doit, ouais. Donc, Nathalie Natiembe, dans le palmarès ailleurs, dans les palmarès, c'est dans la section Top 5 Musique du Monde, et si vous voulez entendre le Top 5 au complet, écoutez donc à Brancher le Monde avec David Ferron, c'est les dimanches soirs à 17h, ici même assez fou. Ben oui, c'est tout le temps bon, ça arrive. Honnêtement, je tombe souvent par hasard dessus. Pis je disais comme, tabarouette, c'est bien bon, oui. Ça. Puis à un moment donné, j'entends David Ferron, genre, oh, c'est vrai, c'est David. non, c'est une blague. J'apprécie beaucoup cette émission-là. Puis ça vaut la peine, on découvre des belles choses, c'est différent, ça fait du bien. Exact, et il nous renvoie la balle en faisant lui aussi un bloc ailleurs dans les palmarès, mais oui. Par rapport à notre top à nous. Oui, malheureusement, on s'entend aussi chanter dans son émission à lui. Mais lui, c'est préenregistré, alors que nous, on le fait live à chaque semaine parce qu'on a le mérite de le faire live. Oui, non, c'est ça, on vous garde. Là. J'imagine David Ferron chanter lui-même la chanson Regardez le palmarès. Et là, il va entendre ça et ça va lui faire un défi. Il va dire ah ouais, ben je vais le faire, puis il va le faire, puis ça va être super drôle. Ouais, exactement. Donc, retournons à notre palmarès à nous, c'est-à-dire les deuxièmes places. Du côté anglophone, c'est Mark Berube avec Confession to a Street Life qui monte de 17 places. Ben moi, je te bats de mon côté, ça monte de 18. C'est le corps est lourd. On a créé un monstre. Bravo, puis pour vrai, je te félicite parce que cette chanson-là, là, c'est du bonbon. Peut-être pas du bonbon étoile, mais. Non, elle est bonne. Là. Moi, je gagne le palmarès cette semaine grâce à ça. Excuse-moi, j'ai oublié qu'on a plus de Q, hein? Fait qu'il faut que j'oublie que je peux pas écouter le début de la pièce avant de. Non, je vais juste dire la fin de ma phrase. Okay. C'était grâce à ça. On dirait de l'italien. Grâce à ça. Grâce à ça. Le corps est plutôt raide et la gravité affamée.

Mark Berube et Confession to a Street Light. Ça monte de 17 places. C'est l'ancien numéro 19, maintenant en deuxième anglophone. Alors que du côté francophone, c'était l'ancien numéro 20, c'est Le corps est lourd. On a créé un monstre. Oh, so it is heavy. Heavy. Mais le mien est très, très lourd. Faudrait que je m'entraîne, mais que voulez-vous? Ça me tente pas. Fait que le corps est lourd. OK, ouais. Hey, wow. Ben oui, là, la chanson m'insulte, là, je le prends personnel. C'est le corps est lourd, hey, tu me diras non, pas ça le fois. Pas ton. OK, ah, excuse-moi. Ah, t'as raison, subtilité. Hein. Fais non, ben, soupe au lait. Soupe au lait, oui. Soupe au lait, ça va aller dans notre nouvelle chronique, les chansons de pub de lait. Oui, qu'on appelle album classique, évidemment. Exactement. Évidemment. Donc, écoutez donc Simon Fitbit, album classique, les vendredis matin. On fait des blagues à son sujet, mais c'est pas contre lui, c'est contre ben oui, le lait. Oui, tant qu'à en parler. Le lait, puis là, on parle pas de Simon non plus. Le lait, c'est avec un T. Non, non, oui. Ouais. Ouais. Avant de passer au numéro 1, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. On va reculer un petit peu dans les pièces, vers les pièces, oui, qu'on n'a pas écoutées plus tôt dans les palmarès. Donc, on va entendre les positions 12 et 11, presque au complet, là, sauf une qu'on a entendue tantôt, Luscious, à la place. Donc, on va les jouer dans un désordre total. Il y aura Mange l'ours mange et Anna Loulou, mais on va débuter en 12e francophone. Et c'est Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. Tiens, j'aimerais bien ça, laisser tomber, mais... Mais non, laisse-moi pas tomber, là. Je vais pas finir l'émission toute seule. OK, OK, ben, je t'ai fait jouer là, OK? C'est correct? Peut-être que ça t'étonne, mais j'ai besoin de toi, au moins pour les palmarès. Pour la console? Laisse-moi pas tomber. Dans une savane qu'on fait danser pour une banane. C'est qui le plus beau ici? On va y faire une carrière. Si tu souris, c'est tu qui plaire. On va t'apprendre à pas t'en faire. C'est qui les mieux élevés? Les chaussures plus shiny. Au milieu du décor, c'est qui est de mon bord? Laisse-moi pas tomber. Cette fois qui me dit que le monde est grand, moi je suis ben trop petit. Et laisse-moi pas tomber au milieu du décor. Je veux pas finir dans la ruelle, je veux pas manger dans leur poubelle. C'est qui les mieux élevés, les chaussures plus shiny. Au milieu du décor, c'est qui est de mon bord. Laisse-moi pas tomber. l'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès CFU. Thank you. C'était Terrifié de Mange l'ours mange en 11e position francophone. Alors que du côté, oui, anglophone, en 12e place, on a entendu Keep Say de Anna Loulou. Et du côté francophone, toujours en 12e place, Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. Il nous reste seulement les positions numéro 1, les panneras c'est fou. Et position numéro 1 veut dire jeu de mots poche. Ouais. On se le cachera pas. T'en as-tu à me faire aujourd'hui? Bah, je sais pas trop, là. J'ai pensé, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est triste parce que le jeu de mots francophone me met mal à l'aise un petit peu, là. Parce qu'il faut dire au revoir à des félins. Et je trouve ça triste, moi, je trouve ça okay. Perturbant de dire au revoir à des félins, tu sais. Genre qui s'appelait Jack, mettons. Oh! Genre, ouais, puis il est mort. Non, ouais. Jack est pas mort, c'est juste ma belle-sœur. Ben, tu vois, c'est ça. Non. C'est ça que je pense quand je pense au numéro un francophone, pis ça me fait peur, tu sais. Il y a un cœur sur le côté, ouais. En forme de tache de vache. En vrai? Ouais. Wow, est-ce qu'il se parfume, ton chat? Non, mais il fait des twists de langue, là, de même. Oui, très belle grimace. Est-ce qu'il porte une petite clochette autour du cou? Non. Parce que s'il se parfumait et qu'il mettait une petite clochette, on pourrait dire Bells of Cologne. OK. Bells of Cologne. Fait que, ben, ce soir, je vais mettre une cloche juste pour faire fitter. C'est ça. Mais j'imagine des belles histoires comme ça. J'invente des histoires parce que, tu sais, Trois-Rivières, c'est la ville d'histoire et de culture, on le sait tous, t'sais. Donc, je m'invente des histoires poétiques à Trois-Rivières et je suis en amour avec cet automne, Fall of Romance. J'ai tout fait des jeux de mots vraiment poche avec chacun des items ou articles. Ouais. J'étais comme en feu. J'avais comme une montagne de jeux de mots de merde. Voilà, j'ai fait les 6, fait que débrouille-toi pour expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire. OK, donc je pense que ça veut... Je suis pas sûre. Mais je pense que ça veut dire que du côté anglophone, le numéro 1, c'est Bells of Cologne de Imaginary Cities qui a monté de 13. Mais tout d'abord, on va aller du côté francophone. Ça a monté de 2. C'est Adieu mes chats de Jacques Maure. T'as manqué les deux noms des albums parce que j'en avais fait avec La Montagne de Feu puis Fall of Romance, mais bon, je te pardonne. C'est correct. Oui, merci, avec le poney caché dans une grosse boîte. Bonus! Adieu mes chats, mais pas Jack avec le cœur sur le côté. Non, pas Jack. Non. On dédie ce bloc à Jack. À PS, tendresse. OK. première position. Position numéro 1 de chaque côté pour les palmarès et fous de l'édition du 2 au 8 décembre 2013. On a entendu du côté anglophone Imagine Cities et Bells of Cologne qui montent de 13 places sur l'album Fall of Romance. Et du côté francophone, on a entendu Adieu mes chats de Jacques Maure qui montait de 2 places. Et c'est tout pour cette semaine. Hey, déjà, ça passe vite. Hey, en écoutant de la bonne musique, ça n'a pas le choix. Hein? Mm-hmm. On se retrouve jeudi prochain en direct entre 15h et 18h pour l'édition complète. Ça repasse les dimanches à midi et il y a la version quotidienne du lundi au mercredi entre 17h et 18h. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Allez voir sif.ca, sondagerequis.com, tout le kit au complet. Là. Ben oui. C'est ça. Puis mangez donc votre repas avec appétit. Puis on se revoit. Hein? À bientôt. On se revoit pas parce qu'on est à la radio. Mais d'autres, on va se voir par exemple. Ah, c'est vrai, ça fait qu'on se parle. Toi et moi, on est comme on est de même, on est comme des amis. T'sais. Ben, collègues. Et collègues. Et je pensais pas à froisser en disant qu'on est amis. Et laisse faire. Non? Non? Ouais, c'est ça. On se retrouve pas demain pour le souper de ces fous. Ah, ouais, au bar. Au bar. Bye.